Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 31e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Cette semaine, plein de nouveautés. On commencera cette émission avec Dystopia, le nouveau titre de Megadeth. C'est aussi le nom de l'album sorti le mois dernier. C'est leur 15e album. On retrouve The Truth Is Real, Poison Shadows, Conquer or Die, entre autres. Je passerai ensuite le nouveau titre d'Arno, Please Exist. C'est sur l'album Human Incognito, sorti aussi le mois dernier. On pense à Now She Likes Boys, une chanson absurde et santé. Notamment, on s'écoutera ensuite Don't Trouble Trouble de Toots and the Metal. C'est sur l'album Do the Reggae, on va le dire en français, hein, 1966-1970, sorti en 1994. On peut retrouver 5446 Was My Number, Reborn, Night and Days, entre autres. On continuera cette émission avec Cypress Hill et Get Out of My Head. C'est sur le double album Skull and Bones, sorti en 2000. On peut entendre Valley of Chrome, Dust et Rock Superstar. On finira ce bloc en live avec Anthrax et AIR, on va le dire en français aussi, AIR. C'est sur l'album Alive 2, sorti le 20 septembre 2005. On peut entendre Among the Living, Death Rider et In My World notamment. Dystopia. Please God, please exist. Don't you worry, I'm an atheist. Change the world in peace and green. Give humans the age of 16. Please exist. Please exist. Please exist. I'm an atheist. Feed the rich. Feed the poor. Change guns to flowers. Give the victims of love, the victims of love, new lovers. Please exist. Please exist. Please exist. I'm an atheist. Please exist. Please exist. Please exist. I'm an atheist. Trouble, trouble wouldn't trouble you. Listen to me, my friend. Stay away from trouble. Listen to me, my friend. Watch your step. Don't try to trouble the lion. Don't try to win the lion, because he will hurt you. Thank you.

Vous êtes toujours dans la 31e Vampire Freak sur votre radio favorite. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, Wings of an Angel de Def Leppard. C'est sur l'album Def Leppard, sorti en 2015, en pantant Dangerous, We Belong et All Time High, notamment. Je diffuserai ensuite Coupé du Monde de l'Ordre d'Héloïse. Je sais que vous êtes nombreux à aimer leur Code Wave. C'est sur l'album Après le Chaos, sorti en 2015. On retrouve Carnage, Apocalypse et Après le Chaos. Ils viennent de sortir un album en téléchargement gratuit. Je mettrai les liens sur la page Facebook de l'émission. On s'écoutera ensuite Ingratitude d'Alpha Blondie. C'est sur Positive Energy, sorti en 2015, en pantant No Brain, No Headache, Querelle Interminable et Séchez vos larmes notamment. Je passerai en Suisse No Premises de Frustration. C'est sur l'album Full of Sorrow, sorti en 2008. On retrouve Blonde, No Trouble et Full of Sorrow, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Scorpion et Coming Home. C'est sur le World Wide Tour de 1985. On peut entendre Blackout, Make It Real et Big City Nights, notamment. On the ceiling, writings on the wall, no one to believe in, and nowhere left to fall. The road ahead gets longer, like a land from outer space. I can't get much stronger. I'm gonna be. Tout est divin. In this country, more than the private space. there's no shame, train on all day to day. Vous êtes toujours dans le 31e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On poursuivra en live avec C'est l'histoire d'une meuf des Fatal Picard. C'est sur le live Fatal sur scène sorti le 16 avril 2012. On peut entendre Coming Out, La sécurité d'emploi et Schizophrène entre autres. On continuera avec du son vinyle de 2011 avec Last Salmon Man de Primus. C'est sur le Green Noga Hide. On peut entendre Impin Crawl, Eye of the Squirrel et Green Range entre autres. On s'écoutera ensuite un bon vieux attentat sonore et sale rancard. Eh oui, ça arrive. C'est sur l'excellent Opération Infiltration sorti en 2011. on retrouve Riot Gun Police, From Chaos to Anarchy et Infiltré. On s'écoutera ensuite Talisco et Bring Me Back, c'est sur l'album Run de 2014. On peut entendre The Keys, Your Wish et Reborn notamment. Et on finira ce bloc en live avec Iggy Pop et Eggs on Plate, ouais, des œufs au plat, comme tous les matins. C'est du live à San Francisco en 1981. On retrouve TV Highs, 1969 et Lust for Life. C'est ça. Alors, Rouen, tu es là ou pas? Petite, dans une minute, ça va être à toi. À moi. Tu trembles un peu, mais pas tant que ça. Dans le refrain de Santiano, c'est toi qui chante le premier. Hey. Icero. C'est quand même pas normal que cette année tu sois jamais passé à la méthode Coué. Entre ton album en hommage à Barbelivien et ta reprise d'Empire Social avec Muriel Robin. Cette année, ça va pas se passer comme ça. D'ailleurs t'as un micro en pour toi. Tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmanet. Là, t'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te cadre bien. T'espères au moins que sur le refrain c'est toi. Mimi m'a dit pas la main. Cette année, c'est l'année de ta vie. T'as kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'axe en Corse. Même Goldman saura enfin qui est le boss. Car à partir d'aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as injecté à Zénatine, ça et voilà. T'as offert de l'entraxe ça et le Zéga. Faut aller jusqu'où quand tu partageras la loge d'Elsa. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on t'aime bien. T'espères au moins que tu reviens. C'est toi qui tiens. Ruelle des Garous par la main. Et vous êtes là. Toi tu files un vrai rencard à ceux qui comme toi ne sont plus rien. Sans actualité, sans niche, sans public, sans affiche, sans pins. Sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain c'est toi qui tiens. Cruche pas la show de Mylène Farmer, c'est réglé au millimètre. Cette chanson est pour les gens qui sont venus en couple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu en couple? Passage interactif, tu noteras. Non, on cherche un vrai couple. Est-ce qu'il y a un vrai couple devant? Où ça? Vous deux là? Pour de vrai? Prouve-le. Prouve-le. Touche-le en même temps. Non, rien. Je retire. Eh bien, cette chanson, mes loulous qui vous aimez. Et qui exposait votre amour aux yeux de tous, faisant fi de ce que les autres peuvent penser. Eh ben, elle est pas pour vous. Cette chanson, elle est pour tous les autres. Qu'ils y sont venus tout seuls. Alors, la soirée n'est pas finie, j'ai bon espoir. Cette chanson s'intitule Seul et célibataire. The are Central Valley seeds. The northern water that sloshes desert fairways fulfills SoCal golfers' needs. The mighty chook that used to run the rivers into the grounds where they would spawn. Thin numbers as the tributaries wane, pretty soon they'll all be gone. Shoulder. Now Jimmy's hiding from the law. Jimmy watched as the bulk of the fleet sold their boats or moved away. But after the stroke, he promised to his father he'd do his best to stay. We'll be right back.

Oh, don't bother, really. Why be in the minority? I'll tell you what. Let's play a song. Let's play a song now, totally silently. Just like they are, you know? You want to be silent? Good, all right. If I can pretend you're a person, you can pretend this is a guitar. Vous êtes toujours dans la 31e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On continuera cette émission avec Nirvana et Binuson. C'est du live à Trading en 1992. On retrouve Drain You, Come As You Are et About A Girl, entre autres. Je passerai ensuite Madame Guillotine et La Gauche Caviar sur l'excellent Article 35, sorti en 2015. On peut entendre Hexagone, Sorcière et Assis sur le toit du monde. J'ai envie de balancer un coup de Morsen 43, ça vous dit? Alors je passerai Politique Polémique, c'est sur l'album Chaos de l'Humanité, sorti en 2015. Et oui, je suis l'auteur et interprète de ce groupe, et en fait j'ai créé un double album numérique, Petit Agité et Chaos de l'Humanité, pour les 5 ans de Morsen 43. En effet, j'avais sorti que des singles sur notre Bandcamp, et la lecture était devenue difficile. D'ailleurs, merci à ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent dans mon projet musical. Viens de faire un tour sur la page Morsen 43. Alors, M-O-R-S-C-H-E-N 43, je répète, M-O-R-S-C-H-E-N 43, un petit like, merci d'avance. Alors, sur Chaos de l'Humanité, on peut entendre Tibé Libre aujourd'hui, Attentat Rock, entre autres. J'ai une autre des nouveautés à vous présenter cette semaine, c'est Toujours Debout, le single de retour tant attendu par beaucoup d'entre nous de Renaud. J'ai pas beaucoup d'infos cette semaine, mais j'ai hâte de vous faire découvrir l'album. Et on finira ce bloc en live avec Bad Manners et Just a Feeling. C'est sur l'album Greatest Live, sorti en 1993. Salut les cousins, nous sommes Fidel Fiasco, vous écoutez Vampire Freaks avec Jean-Philippe Marie, oui. L'homme le plus moustachu de la planète. Ciao cousin. This song's called Bitter Sun. Yeah. La bataille fait rage entre les affamés et les surnourris. Le peuple reprend les armes afin que la nature reprenne ses droits. Entre chiens et loups, je vois un grand feu sur la plaine. Ce n'est pas le tout de tout casser, il faut encore repartir sur des bases saines. Ce n'est plus au peuple d'avoir peur du gouvernement, mais le gouvernement qui doit craindre son peuple. Entre chiens et loups, je vois un grand feu sur la plaine. Ce n'est pas le tout de tout casser, il faut encore repartir sur des bases saines. Je suis diplomate, comme une baramine. L'État joue avec nous, alors trichons avec lui. Entre chien et loup, je vois un grand feu sur la plaine. Ce n'est pas le tout de tout casser, il faut encore repartir sur des bases saines. Les banquiers vivent sur notre dos. Les patrons s'engraissent sur celui de leurs ouvriers. Nous perdons notre vie à la gagner. Entre chien et loup, je vois un grand feu sur la plaine. Ce n'est pas le tout de tout casser, il faut encore repartir sur des bases saines. L'État gaspille des sommes colossales, quitte à jeter l'argent par les fenêtres. Essayez au moins de viser les miennes, histoire que j'aille me payer sur la bête.

fine. Non, il n'y a personne qui te remplacera, Renaud, et certainement pas moi. Vous êtes toujours dans la 31e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On continuera cette émission avec Metal Urbain et Futurama. C'est sur Anarchy in Paris, sorti en 2004. On peut entendre Paris Maki, Lady Coca-Cola et Anarchy au Palace notamment. Je passerai ensuite Where is Your World de Supersonic. C'est sur l'album Supersonic avec un K. Ils viennent de signer pour 3 titres et 3 compiles en 2016 avec Factory Fast Record de New York. Ils sont originaires de Strasbourg. Allez faire un tour sur leur Bandcamp ainsi que sur leur page Facebook Supersonic. Supersonic avec un K, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On s'écoutera ensuite Street Feeling des Selecteurs. C'est sur l'album Too Much Pressure, sorti en 1980. Et il a été réédité en 2010. Je passerai ensuite Fight Apartheid de Peter Tosh. C'est sur l'album Non Nuclear War, sorti en 1987. On retrouve Vampire, In My Song et Come Together, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Les Doors et Moonlight Drive. C'est sur le live à l'Hollywood Bowl en 1968. On peut entendre Backdoor Man, Hello, I Love You et Light My Fire, entre autres. Je m'appelle sans vivre aujourd'hui. just wander. Every cloud I've been scattered. Everyone in the world, whatever we tried, we were so high. You just wanted a fix, right? One prophet on your left side. Chose to live by the sword. victimization. Come on, Camilla. Robbing all of my resources. Come on, Camilla. I say you. Going down by the ocean side. Get real close, get real tight. Baby gonna drown tonight, gone down. Gone down. Cette 31e Vampire Afrique touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Et encore merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission chaque semaine. Pour finir, je passerai Shadowgy des Shadows. C'est sur le premier album des Shadows qui s'appelle simplement The Shadow, sorti en 1960. En 2015, ils ont réédité 5 albums originaux. Ça n'a pas pris une ride. Laissez-moi vos messages et vos dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Ça fait toujours plaisir de les lire. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu !